L'affaire du coffret. 53e. إتيان التحق بنا ذلك اليوم في مسيليا. ذهبت لملاقاته في المحطة. ليكا. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Marseille. Ça me fait plaisir de vous voir. Mais ça va, Étienne? Oh, c'est René. Il est à Milan. Je suis inquiet. Le réseau Sud et les affaires de René. Je suis inquiet. Vous? Des affaires avec René? Non, c'est un ami. J'ai racheté sa boutique pour l'aider. إتيان قلق جدا من أجل غوني. J'ai racheté sa boutique pour l'aider. Racheté. Acheté. Ah, فهمت. إتيان اشترى محله. Ce n'est pas ça. J'ai dit 10%. Ah, هذه هي قصة 10%. إذن قصة تمويل. Étienne, entre. J'ai fait du café. On ira à ton hôtel après. On ira? Oui, Lucas. C'est le verbe aller au futur. J'irai, on ira, nous irons demain. Ah, فهمت. سنذهب. نحن سنذهب. أي المستقبل من فعل aller. Bon, alors, comment va Nadia? Elle va bien. Lucas, on écoute les enregistrements de Nadia avec Étienne? Le baladeur, c'était pour son travail, non? Oui, et aussi des souvenirs. Écoutez. Mon marché. Alors, 1,35 et 50. 1,50 et demain. Ça fait 10 balles. 1,50. Oh là là, ça c'est du beau, ça. Des fruits, des légumes, c'est par ici. Bonjour ma belle. Des tomates et un concombre pour les sandwichs. Bonjour Momo, il y a du monde aujourd'hui, hein. Ah oui ma belle, tiens, deux tomates et un concombre et ça fait 1 €. Merci Momo, à demain. Bonjour, je vais vous prendre de la menthe. Ma belle. Mais qui est ce Momo? Il connaît Jean-Pierre. Jean-Pierre et ses affaires. Ce n'est pas un homme pour Nadia. Nadia ne l'aime pas. Elle a pitié de lui. Allez, on y va? D'accord. Au revoir, Lucas. Au revoir. Hassanan, Linara. Etienne yahdaru min René. Le réseau sud et les affaires de René. Je suis inquiet. ويحذر أيضا من Jean-Pierre. Ce n'est pas un homme pour Nadia. Nadia ne l'aime pas. Elle a pitié de lui. Pitié? Ah, avoir pitié de quelqu'un. أي لديه شفقة عليه. آه، نادية لا تحبه، بل تشفق عليه. مسكين Jean-Pierre. À suivre.